I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your book, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work, and be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks. Je prends une étoile depuis qu'un pote est parti là-haut. Il me reste quoi à moi à part une cirrhose du foie, un cancer de galop. Les nœuds papes ne tombent pas du ciel, qui ne tente rien à rien. Moi contre ma déprime, gars, c'est le combat du siècle. On m'a vu perdre, baisser les yeux, péter des tempes. Ça j'aurais dû le faire comme dit papa, je ne suis qu'un faible qui s'est crapé dans les temps. Le phénix renaît de ses cendres, j'ai fait pleurer les anges. Après ce texte tu pourras dire que t'as déjà vu une plume peser. Je parle de tout et de rien, des fois c'est dur à entendre. Comme ce pote qui me dit une fois que c'est fini. Mais moi avant d'être avec toi, j'avais déjà ce que cette pute faisait. De K2M on a juste la flemme. Appelle-nous talent gâché, maman fâchée. Mais on a su se reprendre, s'expandre. C'est le mot d'ordre, j'ai le flow d'or pour briller sur des beats lourds. Quand je lâche as, ils ferment leur gueule alors que d'habitude tes types l'ouvrent. C'est naze comme chercher là sur un SMS. Tant pis, j'avancerai seul comme un mercenaire. Sur les photos, toujours le sourire sur le disque dur. Eh les gars, faut qu'on profite avant que les piles ne suent. C'est naze comme chercher là sur un SMS. Tant pis, j'avancerai seul comme un mercenaire. Sur les photos, toujours le sourire sur le disque dur. Eh les gars, faut qu'on profite avant que les piles ne suent. J'suis un mec cool l'après-midi, l'alcool me rend con. Laisse pas traîner ta meuf après minuit, ça devient trop sale. Deux amis vont appeler As de la barbare. Et quand j'te prends la tête, ça finit en gargarisme, au propre comme au figuré. Pas besoin de me sentir bien pour que je crache la vie. Man, c'est crade la nuit. Je vois que des adultères uniques, je suis l'un des seuls qui n'ait pas dû le faire. Si tu me vois pousser la fonte, c'est que j'ai serré mon seul piston. La réussite est bonne, on ne mettra pas que la clé dans la fente, fiston. Eh, dis donc, v'là la star locale, je vise la vida loca. Ego surdimensionné, pas besoin de coke pour avoir confiance en moi. Trop donné, jamais recevoir, mais laisse ça à d'autres. Parachute dans le sac à dos. Depuis l'époque où deuxième sample est Tracy, je crois que ça schémarre, ça tourne même jusqu'à Saint-Naz. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je traîne pas plus loin que ça marche. J'ai changé, genre plus que le samedi soir. Je crois en moi, je ressens plus besoin de savoir ce qui se passe. J'écris toujours à la première personne schizophrène. Ma vie est un film, je mène un double jeu isotherme. Vos paroles ne me font ni chaud ni froid. La chaleur de mon cœur me fait dire que je vaux plus que 10 centimes. Toi, t'es qu'une pute sans prix. T'as un beau tatouage en bas du dos. Le blême, c'est plus de monde la vue d'en haut toute la plage. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your book, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work, and be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks. C'est naze comme chercher là sur un SMS. Tant pis, j'avancerai seul comme un mercenaire. Sur les photos, toujours le sourire sur le disque dur. Eh les gars, faut qu'on profite avant que les piles ne suent.